m'a fallu 2 heures pour trouver ma boule. Petit interlude musical en attendant le batteur. Je m'emmène, c'est la fatigue aussi. je sais que t'es blindé. Ton parapluie d'armes, t'inquiète, ton autorité. Sans le passer, mais là, fais gaffe à l'argent. Fais gaffe à l'argent, si t'es assez, tu peux te rater. Dans tous les cas, tu vas rater. Si on prête pas, on sait, tu vas braquer. Dans tous les cas, tu vas rater. Donc je répète, si t'es assez, non plus. Et en miettes, je kick des sons, ça fait sens, je m'arrête. Et puis je repars aussi sec. Après le vide, je pense que t'as bu sans eau. Tu sais que je traîne avec des gars plutôt foulés. Que fuck, tu voulais nous péter les steaks comme le bec. Le vide, bon, moi, que t'électrise. Le hobby, t'es pas, toi, te maîtrise. Que méprise, tu crises quand je te vexe. Mais please, pili, pili, positive. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et l'espoir fait vivre. Donc le serpent se mord à queue, il trouve du plaisir. Il serait peut-être temps pour toi, mon vieux, et tes goûts de périr. Et tout fait délire. Next level à la même, je suis tellement loin qu'en vrai, je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, pas de problème, je continue quand même. Des formules, des mots, ils sont encore là, mais phonèmes. Et quand je suis sur scène, bonne vibration, j'amène. C'est un type de wave en général caché dans mes veines. Ou dans le sprint que j'ai au bec, car je m'en bats les cœurs. C'est vite pour moi que c'est pour tous les gars et tous les mecs. Puis je ferme ma gueule pour rester correct et m'en fuis sur un clin d'œil. Quand il est temps que je m'éjecte, tiens. T'as les vieux sons de mano. Stopper les oh et oh et capitaine abandonné. Tu veux du bon son, je vais t'en donner. C'est chaud, attention garçon. Voilà le nouveau son de bingo. Thank you.